Nous saluons l'Église de Dieu vivant dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Tunasalimia kanisa ya Mungu aliye hai, mjina damani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Et nous vous invitons de se mettre debout. Na tunamialika mupate kushimama. Et chacun de nous doit prier. Na kila mmoja wetu ataomba. Et après on va lire la parole de Dieu. Na kisha tutasoma neno la Mungu. Prions. Tuombe. Notre bien-aimé Père Céleste. Mupendwa baba yetu aliye mbinguni. Nous te disons encore merci ce soir. Tunakuelezea tena asante mangaribi. Pour ton amour. Jua mapendo yako. Pour ta grâce. Jua neema yako. Tu nous as gardé depuis hier. Utuchunga tangu jana. Les autres n'ont pas encore vu cette journée. Bengina bakuona taishiku. Et du matin jusqu'à ce soir. Na tangu asubuhi kufika mangaribi. Et tu nous as réunis dans cet endroit. Tunatukusanyisha tena muhifadhi Bwana. Tu as dit, là où vous serez des trois, mon nom, je serai là. Sois avec nous encore ce soir. Au nom de ton fils, Jésus-Christ, nous chassons tous les démons et quittez cette salle au nom de Jésus. Il est écrit, demandons, vous donnera. Donnez-nous le Saint-Esprit. À la chair jusqu'au dernier bas. Apportez-nous la révélation de ta parole. La foi et l'obéissance. En lisant ta parole, Seigneur, viens toi-même pour nous enseigner. Nous remettons cet endroit entre tes mains. Le début de ce service jusqu'à la fin, soit avec nous. Sauvez les pécheurs, guérissez les malades et délivrez tous ceux qui sont liés. Que la paix soit à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons toujours la Bible. Nous sommes dans notre verset. Du 24 toujours. Ya Luka 24. On n'a pas de nouvelles choses. Matthieu 24. Verset 42. Mustara 42. Veillez donc. Umbi mukeshe. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sababu mujue ni shuka ni bwana wenu atakuja. Chassez les biens. Si le maître de la maison savait kama bwana wa nyumba rijua, à quel heure de la nuit que les voleurs doivent venir, ni wakati kanibushiku muishi atakuja, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Alipasha kukesha na ashikuache nyumba yake baipomone. C'est pourquoi mana, vous aussi na mweye, tenez-vous prêts, mwe tayari, car le fils de l'homme sababu mwana wa mutu, viendra à l'heure où vous ne le passerez. Atakuja kuile saa mwe benye wa mutawazia. Que le ciel bénisse cette parole. Mungu ipate kubariki ineno. Asoyemu. Mwikale. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mapendwa ndani ya Bwana, notre sujet est toujours ici à partir du verset 44. Shina yetu iko paka hapa pa mwanzo ya 44 ya mstari. Ici, c'est le Seigneur qui part. Hapa ni Bwana ndiye kuna sema. Il part à ses élus. Eko na sema kubateule baki. Il dit, vous aussi. Anasema, mwe na mweye. Tenez-vous prêts. Mkuwe tayari. Car le fils de l'homme. Sababu mwana wa mtu. Viendra. Atakuya. À l'heure, vous ne le passerez pas. Wakati ile mweye amustawazia. Ça veut dire que l'heure que le Seigneur va venir, ni kusema wakati ile Bwana atakuya, conforme à Marc chapitre 13, kufuatana na Marko 13, personne ne le sait. Hakuna mtu anaijua. Ni les anges du ciel. Wala ba malaika ba kumbingu. Que ce soit le fils. Iwe mwana. Personne. Hakuna mmoja. Mais c'est le Père seul. Lakini ni baba tu peke yake. Qui connaît? Kula najua. Et la question là. Naulizo iko hapo. S'il vient le soir. Akikuya hii mangaribi. Que sera ton sort? Sasa mambo yako itakuya je? Et quel est ta présent de votre âme? Sasa hali yako ya nafsi iko je? Parce que il a dit à partir du verset 35 jusqu'à 37 du verset de chapitre de Marc. Il peut venir le soir. Au midi de la nuit. Au chant du coq. Wala wakati mkuku atawika, ou le matin. Au asubuhi. Amen. Amen. Bon, s'il vient le soir. Sasa, kama anakuya mangaribi. Parce que lui n'a jamais menti. Kwa sababu yeye hajalandaka. Que chacun de nous doit se poser la question. Na, kila mtu sasa anapaswa kujiuliza. Est-ce que je partirai? Sasa, mitaenda. Parce que dans la prédication, la seconde venue. Kwa sababu mumahubiri kuja kwa pili. Je dis, on va parler lentement pour que vous compreniez ces choses. Leo tutasema pole pole njoo mpate kuelewa mzuri hivi vitu. On peut prendre au paragraphe 18. Tunaweza kubeba mu paragraphe 18. Maintenant ceci semble être une écriture très étrangère en rapport à la seconde venue de Christ. Sasa hii inaonekana sawa andiko moja ya kigeni mkuangalia kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Lakini ile tunasemea ni yule ya kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. Écoutez ce que dit Frère Branham. Mushikeni kile ndugu Branham. Et ce grand sujet. Na hii shina mkubwa. Que nous avons ici devant nous. Hii tuko nayo mbele yetu. Maintenant. Hapa sasa. Et l'un des sujets les plus vitaux de tous ces écritures. Jo katikati ya ile mashina yenye ya bujima katikati ya maandiko takatifu. Il n'y a rien. Hakuna ta kitu. D'aussi important que l'avenir du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ce qui est Zali Bongo. Comment tu as vu? Tala Makambosa. Angaria sasa wewe mambo bila unasema. Unafanya. Ce qui me colle à côté ici. C'est possible faire un collage. Je parle mais il a fait bon. Il y a mon apocalypse. La Bible dit. Biblia nasema. L'esprit. Et l'épouse. Na bibliens. Vient. Kuya. Et l'épouse est c'est moi et vous. Na, est-ce que tu peux dire que Jésus vient? Mon appel d'abord c'est ma bonne et soit couillé. Tellement aussi mon salaire est bien. Na kama una pata tellement mon. Vous avez un salaire est bien. Una pata mon salaire. Vous avez une balle est bien. Una pata na. Mais on t'paye bien. On pense ni que tout sera passé. Una sabo c'est ma yote itapita. Et Bible dit. Nini motakoza na mokili oyo. Nini mtu ataweza kuiwinda mudunia huko. Pia chance ngona amena. Tu apate kubadilisha hiyo na nafsi yake. Uzi mosala, unapata kazi, unapata ndoa, unaishi class, unaje poto, unaenda mubulaya. Fin de fait. Kumuisho. Utakufa kaka. Utakufa paka. Esha Yesu yote. Na kama Yesu za tushuku. Utakufa paka. Mesogi Yesu ye. Lakini kama Yesu. Amen. Amen. Kukosa mate. Abu shijilande. Na bisengo ya mukidu. Na furaha ya dunia. Eza la mosala. Inegalaka ikwe kaji. Eza mituk. Ikwe ata miotoka. Eza bandaku. Ikwe ata manyumba. Eza letranje. Ikwe ata kwenda kubulaya. Eza la libala. Ikwe ata ndo. Eza la ban. Ikwe batu. Eza le levasyo. Ikwe ata kwa kunyanyu. Nyoso tozana yango. Yote le tukunayo. Ekoko kana jame. Aite na returi ya senye. Na kurudi kwa za solo. Eske mjo vile. Écoutez, l'homme de Dieu, mushikeni, s'il ne vient pas, kama shikuye, nous serons été de faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Na vale bote bebe mukaburi, batapotea. Soki Yesu ayete, kama Yesu ashikuye. Tuzema tatu liya lukuta. Nikusema tunakuwa bashikuye. Kwa tutika di mangomba. Kwa sababu tuliacha makanisa. Kwa tundi mela, nsangoyo. Juu tupate kuichika injili. Kwa Yesu akoya, akisema kama Bwana Yesu anakuya. Tupate kuenda kumbingu. Mesha yete. Sasa kama Yesu. Neto la meko zalate. Ni kusema kunyanyuliwa kusabuya. Haleluya. Amina. Me akokiko yana po. Lakini anaweza kuwa mangaribi. Akokiko yana butu. Anaweza kuwa bushiku. Memu zo sepela na butu. Fek tantashi. Ata kama uwe unafurahia bushiku. Kolo akokiko yana. Bwana anaweza kuya. Ako kiko ya ushandi koke. Anezu kuya wakati mkupa na mkupa. Tangu zana na proje lobi na ukene musala. Obo kuna mautangalisha kesho kena mkazi. Anezu kuya buka asubui. Ako ipeko ya na 6 heures. Anezu kwa tamu 6 heures. Bosoke aye. Sasa kama. Enti pre. Eti uko tayari. Pagi ya kwa zaba nyamate. Aina kwa zaba njeteke. Aina kwa zaba njeteke. Aina kwa zabiso. Atawa kutubeba nishie. Yosi ya bongani. Sasa unesa kubadirika. Bosoke za prete yuko kendete. Kwa samamu kama una tayari au tenda. Ya mwana lobaki. Kuyemba. Kuyima. Ezate kwa zala pre. Aina nzo kwa tayari. Esengeto yembe lanzami. Inapasa tumembe. Nemingi ba yemba ba za prete. Lakini ba mingi bakuwe na yemba meyabana tayari. Uko iko bala pre diye selo le mesaj. Uneza ta kuowa musuri kufatana na uchumbe. Meuza prete. Lakini hauna tayari. Kwa tango zina sente suite. Kwa sababu au yapata taro mtakatifu. Uko kenete. Au tenda. Uko ipe konteya. Meuza prete. Me lakini hauna tayari. Amen. Amen. Soyez prêts. Kama merci dit le Seigneur. Hivi ndio Bwana anasema. Même vous qui nous suivez à l'internet. Atamwe bale mungu. Là que vous êtes. Même les gens n'est pas là. Le Seigneur est là. Bwana yeye. Soyez prêts. Muwe tayari. Il viendra comme un voleur. Atakuya kama mwizi. Et c'est la vérité absolue. Na ni kweli kamilifu. S'il ne vient pas, nos morts qui sont dans la tombe. Benye kufa betu beko mkabuti. Sont perdus. Bo bana potea. Il n'y a aucune espoir pour nous si Jésus ne vient pas visiblement pour la seconde fois. Ce qui a yemba laouti. Kama ashikuye iwa katituri. Mbala ya mibale. Mala ya piri. Ici. Kunaishi. Problemi nangeza tena koya. Sasa mambo haina sema ni mkuni. Ako iko ya na hii. Aneza kuya. Metanga koya. Mesisa pana takuya. Yozapre. Weye uku tayari. Siko muko na muka mituni. Nikusema mkila mmoja jiriza. Ata kama miu na imimba. Marina ya kanegrisi. Ata pale miu na kuyayo kanisa. Marina pesa makabu. Ata pale mine kalami. Marina pesa badini. Mazawadi minato minafanya. Marina teyaka. Ata kama mine ubi. Peske na zapre. Sasa niku tayari. Problème na biso toza la pre. Mambo yetu ni tukwe tayari. Tozo vivre na tama kwa terrible. Tuko naishi mwakati mwa ya matata sana. Bauti meme kotinde ya biso teksyo moko. Bari tutumibia bana tokea kunitumia tikomo. Renye uti koleka mercredi passe na kati ya Vatican. Asema kuku kusanyiko mwa ilifashika mu Vatican. Papa Renye ba chef religie ya mona. Asema papa rikusanyisha ba chef religie. Pinde katre ben na ba mizilma ba zalakiwa. Ata ba mizilma benye ba ortodoxe ba jufi ba zalakiwa. Ba jufi benye ba rikuyamu. Comment réunir la religion? Namna kani kuunga. Et la christianisme, Jésus tangazaki na croix. Na Christ, afungula ki maboko bo. Wakati yewe wanapapa msalaba Yesu. Cela nous nasema ni woni mapendo ni kuunga. Mbino barabe bozobo mabatu. Sasa mwe barabu mwa. Bozo sala boy. Sasa mwe munafanya kila. Sasa loko moko. Sasa tutengeneze mambo. Iko za la universe. Ile itakuwa ya bantu bote. Kona tonza la na NT. Mushusha kombatre bana mwingine. Atangazalo baboye. Yesu abongisi Biblia na yeye anaesha kutayarisha Biblia yake. Lokola bazaba philosophe. Sasa sasa hivi beko bako. Bazaba intellectuel. Basi baby ke koto ba musulman ba linga katete. Pesa ya sei fashe ba musulman ba beka toshe. Basali eloko na ba. Banafanya binti. Eloko wana bazo sala. Sasa ile mambo be unafanya. E bandi ndenge zaka na jeunesse. Ilianza paka vile inaanza kuilianza kwa mwanzo. Toujours Babylone. Paka ba. Ezaki Nimrod. Ilikuwa ni Nimrod. Ne bandeli ya Babylone. Jo ilikuwa mwanzo wa Babylone. Alobiteza libye bwete. Asema no haina mzuri. Esengeli to sala ndako. Inafai tufanya. Toke nena lola. Misu yoso to zake shikamo. Sibote tukwe fashibu. O njambali na kelo kwa nake. Japo Mungu ashipendake binti. Alini nio ya batote. Alini nio ya mzalo. Pana napendake mkusanyiko ya Mungu. Batongi ndako na bango babenga ngo tour de Babel. Bana yenga mungi nyumba ili banaita sema tour de Babel. Pona batonyo shobaza le shikamo. Jumbantu bote papa kule yulu. Nine sukaki. Sasa ni nini haikushaji? Je descendu pour les confondre. Mungu alishuka njoo kubasi vurutusha bote. Alleluia. Amen. Nous devons parler le même langage. Unapaswa kusema sawa. C'est la langue des écritures. Ni msemo ya maandiko. Miza langage ya filosofite. Haina msemo ya filosofite. Ya politisi hapana. Nzamba linga kainyo ya batote. Mungu achipendaka mkusanyiko ya batote. Yana pendaka mkusanyiko ya batote. Sikuwa yako sangisa katoliki. Kwa sababu atawa kusanyika katoliki. Na protesta. Na bayoka nakati. Abasikiliza naki. Ayako sangisa ba mizirima. Na krisyanis bayoka nakati. Abasikiliza naki. Ba budis. Na ba budis. Bangoyo sesika mo. Mambo budis wa shimu. Tango bokomona pe kozala. Wakati mutawa salamu. Nasime koza ruin. Kumuishu itakuwa ni haripifu. Tandenge nzamba panjaka bango kuna paka file Mungu alibazambarisha kule na Genesis 11 kumwanzo 11 ni wana eko panja ile mkusanyiko na yote na vama kambwende ba lakini mambo mbele ya tokene na pale inapasha twende mbele kwa bango mishera miso selon Jean 14 ile bado tayarisha kwa tena na Jean 14 banana premier verset tusuka 3e haleluya amen. Tuzonge la kama kambo kwa bozo bosa. Tuku na rudia kwa mambo ya sikazati. Hakuna mimi kwa sana lile vanza. Muna mushisha kuneno la Mungu. Toko sambe la lisusu. Muda kila kiloko tu sana sana. Mtu na mtu ako se kashe. Kila mtu na ndenge na ndenge na ye. Kila mtu ngambo yake. Mtu na mtu na ndenge na ye. Ngambo na mungu. Kala mimi te bako cha biso na pression. Kwa sababu mtu wakati kiloko batetuweka mule mumusu. Bango tango la sala makamo na bangwana. Biso kuza bana mike. Bako yako force biso. Me parmi bana mike. Bazo kuteza na rasi moko batengi ya mba meshake sadra kabede ne bako reziste na stati na mwa kumbanisha na ile kisanamu eske yeza parmibiso eske useta woko karibu katikati yetu shi yoko kwa kataki yoko kwa resistance yoko kwa presyo yoko kwa souffrance wone zikuchika ele mateso. Amen. Amen. Ezo banda kala mingi. Iko naanza sasa. Makambo boyokaki. Ile mambo ya 70 semea Daniel. Hapo kali silive sele de setu. Le londe zo banda. Ah, inaanza sasa kutimizwa. Tukotala yo. Tutakuona sasa. Uyake eglise te. Wewe ukuyake kanisa. Tukotala yo. Ozina batemi te. Au yapata ta batizo. Uzo yembo za batemi te. Ukuna imba me au yapata ta batizo. Ukuna yembo za paye. Uku mpagano. Bagomba la mambre gizi ndegi ni. Utakuwa sasa mimi. Kama mbiveli Yesu ziba teme ama. Kwa sababu kama unamumia mwani ya sasa batizi. Me unakuya ubatiziwa. Usa visite. Ni kusema kumutembezi. Bakonta kana koro ndeni. Baningia pale batem di sente sui. Kupitia Roho Mtakatifu. Bandondi mabuta kalilo bate. Tangu liamini yako au ikikabe. Kama kimete sela vingi le sente sui. Sasa umuta utapata. Sasa le sente sui. Na bila Roho Mtakatifu. Kipatira usia. Tala bavanti uzo sasa. Sasa ngari. Bazalo bezo yokati. Akusikia. Mtuma kazi. Kikitwa nguvu. Zero komona. Shikia sasa utashika. Uko zamu utateme. Zero komona. Ah, wewe kicha ya nguvu kilo chungu tawo. Akosa kate. Yashi landa. Shabu sela. Sheswa. Ndio kwa maana imani. Kajela. La repentance. Arrête la colère de Dieu. Alléluia. Kitirani ya Mungu. Kiti sheba ngobiro bale. Shusha uba shushe bibi. Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kutungi samadi. Mushi ufazaike. Bondi me la vanzamu. Mwanzake paka kumuamini Mungu. Bondi me ape Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo. Ake kwa bongi seisika. Anenda kututayarishia fazi. Banda kenda demi lana. Tangu ariendaka miaka maelfu mbili. Azwa maso lukula ba maso na visote. Ashkubebake haba maso saba betu tunakana. Ye moko maso. Ye mwenye njomu mwenye. Azwa enjenyeri mususute. Ye moko. Ashkubebe enjenyeri mwenye. Ye moya. Pale wanazo bongisi. Nikusema ule nyumba yoko na tengeneza ule. Bando zwa kambongo lata kabiente. Uko regrete yo moko. Tangu uriaza kupataka franga uku. Vwala kia tamzulu. Marde kuna ba regrezate. Kule wakuna kufazaika kuzunika. Kuna tolata barobe. Kule tutavuala mankanzu. Tuko mbiso yoso kwa basi. Na asibu bote tulakwa sabaramuki. Makolongulu fre. Mikulu kwa zindu. Babongisa. Banatengeneza. Bapavana o. Ile mabalabala ya zaabu. Na ebite juru wana. Mishuwe ile shibu. Yoko tambo landini. Woo tatembea kama ni je. Po mwasio azo kene na libala. Kwa sababu ule mwanamuki yonenda kumundoa. Azaga na plasi mwazo yekulu. Anikala na fazi moyo ya pale kuna jifu. Kama ni tango koleke shika ya bato. Asi kama unapita. Usimbi flare bwe. Unabeba flare hivi. Bazola kisayo. Bewa nakuonesha. yo mama mubimba we mwenye mama abu memokola dibala baeto la kisayo bananza kukonyesha kutara batote ukoyoga sol ushuangarie bantu utawasikia na dibala oya muki jutu ya boya ndoa ya bantu hii tango Yesu avandiwa sasa Yesu kasisa kuikala pale. Haleluya, amina. Yesu avandiwa Yesu kasisa kuikala tu pale. Ngai frère paradox ni frère na lati robe na ngai kwa lele rukanzu yangu hii ya jisti na lati yangu mine shaka ili ya uwe na jisentiri ya uwe mina beba mina beba ili jisentiri ya uwe chigo na otamu wa makolungu jo mina sakutengeza Yesu ya zawana Yesu yako pale yobo kuzarana na uwe utakua pale. Amen. Amen. Banani wauzala. Banani batakuya hapo pale. Ah, bon toti tisana maboko. Banana kozata tombolo. Sasa ni nani asta pia banyo. Mtu asalingi kazal. Ule mtu atabaki. Ni baba kozaba baba za pre. Lakini bale batakuya hapo. Siko Yesu avandiwa na. Sasa Yesu shogikala pale. Baje bazaliwa na. Banini baba malaika. Serafe bazali. Bakeru na bazali. Ni siki ya lola. Elizabeth. Ile mama mzini kuna. Ile siko. Ye Kristo. Sasa shiko. Ah, tika. Mwacheni. Wana rotabatiki. Amina. Tokozane sengo kitoko. Tutakuwa na furaha. Mesengo ana. Na ile furaha. Mawe koza. Tolomito meritete. Tutasema apana. Atuwezi. Sans Jésus. Bila Yesu. On pouvait pas être couronné. Atukwezi kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk officier. Et la Bible dit, le saint couronnera le saint des saints. N'ambiance bandi, musique bête, le racheter va incommune. Le rachat, bange balobi, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Nous étions perdus, Jésus nous a rachetés. Mais comment Dieu t'a racheté? Tu n'as pas la joie du salut. Mais quand tu as la diplôme, tu as la joie de faire des études. Si vous mariez, tu as la joie du mariage. Si tu as des enfants, tu as la joie des enfants. Mais quand tu as le salut, où est la joie du salut? Les gens, je ne connais pas le salut. Mais c'est nous qui étions perdus. C'est nous qui sommes sauvés. Qui chanterons le salut. Et nous chanterons. Que jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Que jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et les gens, je regarde. Ça, c'est quoi? J'étais sauvé ce jour-là, si le bois du Calvaire. Mon frère, ma soeur, voici les choses que nous devons vous annoncer. Si tu as abandonné Jésus, retournez. Si tu n'es pas baptisé, soyez baptisé. Jésus revient bientôt. Et quand il viendra, il viendra comme un voleur. Et quand il viendra, es-tu prêt? Qui dit ça? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que c'est la vérité? Poussez les cris de joie. Mais c'est la vérité. Pas vrai. Quand on a quoi à Jibis? Pote sika yako zala. Kwa sababu faje tatu zala. Nashie tukuyepo. Bo yo zala na Yesu. Sasa huko na Yesu. Na nina raconte bine roba. Mina penda nimeleze huko kadismol. Ba komi na Capernaum. Banafika mu Capernaum. Jeje ateya teya teya. Yesu anahubiri na Yesu. Ifanaka changamba je Nazareth. Ilipasa aende ku ngambo ya Nazareth kule. Ayebishi ba yekoli. Anaeleza ba mtu anasema mbele. Ukachangana keko bonde. Mwe mtambuke mimi nitamifuata. Baji watu. Ba diskitete ba. Ba diskitete ba nani? Ya keko bonde anango. Ya anaenda kuomba. Tanga keko bonde la. Wakati anaenda kuomba. Bazo tambola. Bego natembea. Satalo bi eh. Kiani afia eh. Ba petio nege bazo kende boye. Ba petia ba vivewe ni. Bazo kende sans Jésus. Bego nenda bila Yesu. Satan emi moto atambola ka sans Jésus. Shetani anayoku la natembea. Soki za sans Jésus. Ya mazo tungisa musalano. Soza sans Jésus. Azo tungisa njoto nayo. Kama yoku au na Yesu. Soza sans Jésus. Azo tungisa fo nayo. Atarisha imani yako. Jésus en toi c'est le Saint-Esprit à toi. Na Yesu ndani yako ni Roho Mtakatifu. Si ya le Saint-Esprit. Kama na Roho Mtakatifu. Le démon n'aime pas le Saint-Esprit. Ma démon aipenda. Parce que le Saint-Esprit c'est la puissance d'ao. Ni uwezo ya yulu. Vous tombez parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à toi. Le Saint-Esprit à toi. Je serai en vous. Il est en nous et tant que le Saint-Esprit est en nous. Tosali loba. Otambola n'ensemble. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quand Dieu, il a un homme, s'il est prédicateur, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. S'il est parmi les frères et sœurs, c'est Dieu qui se manifeste avec les fruits de l'esprit. Alléluia. Mais on ne sait pas non moi il est là. Qui nous met sur la route? Est-ce que Jésus a la moïbi? Est-ce que Jésus a la politique? Nous sommes tous à mille ma bakoko na yo. On avait pas comme Bongo la motema lelo. Bongo la motema ko. Va dire ça mon moyo wako. Oh Jésus a marqué ni naza la nasa kama kama mama bendo. Ngambo kanio na cheza cheza vite. Satalo bien. Satan angara se bazoke ne sans Jésus. Il va gonna tembe bien. Petit na luka kabango. Lelo na jiba. Leo mina mapata. Abendi tous les démons ya vague. Anaita ba démons bote ba mawili. Alors il va ministre nga mais surtout Pierre. Asi mba mwangirie mwa. Ki ti se tiku na. Pierre le mumshushe na tini. Ba démons ba ningane. Ba démons bana wak. Ba bouger mai. Bana tenkesha mai. Jésus a dit comment de là. Yesu alikuwa anaomba. Atendele bien. Anangara se Satan si ale kina mai. Satan yesu kupitia mu mai. Aliaji ni sa ba potre na. Anapenda sikona katika mishe fanana. Sasa mita bisha. Haleluya. Amen. Jésus. Yesu. Alabi ndakwe na hivi nanga koluka tu. Asena mimi shuyo kuna. Mwana luka bwato. Ezate. Namna kani ya kutafuta. Mese mwa ki ya kreye de lo. Me lakini mimi ni mwa mai. Mita temba pa mai. Acheka ni kola lobi. Ya naweka mkulu pa. Se mwa ki ta kreye. Maya tosi. Maya tika. Azotoba iya kata. Ya naza kutu. Iya kata. Anatembe. Iya kata. Anakwenda. Iya. Meme ton problem. Atama kwe. Jezi va marche. Yesu ataitengeneza. Meme ta malani. Jezi va marche. Yesu atatunza. Marge ton difficulté. Jezi va marche. Yesu atatunza. Tout est possible à celui qui croit. Et quand Jésus marche, il y a la silence. Quand Jésus marche, il y a la sécurité. Quand Jésus marche, il y a la paix. Elles ont marché. Elles ont marché. Elles ont marché. Frère, Bayekoli, quand on va arriver à la namai, elles ont aussi marché. Quand on a un problème, il y a un cas. Tu peux même te tuer. Mais ne crée pas ton Dieu là. Kama ya tiki ya grizi. Namna kani unacha ikanisa. Watigere mwa nani? Urumachewe nani? Watigere mabaye? Urumachewe bageni. L'église se poule l'achete. Kanisa ninjua wanye kukombolewa. Et si nous ne croyons pas, comment Dieu peut se manifester? Nous devons croire la parole de Dieu. Et si nous ne résistons pas dans les épreuves, comment Dieu peut délivrer? Quand les épreuves de Dieu, supporter les épreuves, la Bible dit, les malheurs étaient toujours injustes. Le Seigneur en délivre toujours. Et ningissime. Il n'a tenka. Tozo kufa. Tozo kufa. Babwa kaniso kotei. Bana tupa macho inga. Bama na mutazota mwana. Bana ona mutu ona tembe kama. Bana ona nyo. Bana angari. Bango su sase fanto. Ase uyu ni mujimu uyu. Eh fantôme, côté mbonge, côté fantôme, makokende, watenda wa. Il y a des choses qui viennent dans notre vie. Si tu n'es pas croyant, tu peux abandonner la parole. Mais malgré cela, Dieu, il est dans l'histoire. Il est notre secours. Il ne manque pas au moment de détresse. Même si tu n'as pas un travail, c'est lui qui donne le travail. Même si tu cherches l'élévation, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, vient de l'Éternel. Tu ne peux pas abandonner Dieu parce qu'il y a des souffrances. Même il y a des problèmes. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu dois garder ce Dieu-là. Il est vivant. Il est ressuscité. Notre Dieu, il y marche. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même hier. Il est le même hier. Il est le même hier. Il est le même hier. Il est le même hier. Ukuma kolela, unaza kulia, mwana mawa, unakuwa ukuma kubanga, unaza kutetemeka. Aza, eko hapo. Babani kole, babani kole, unaza kulia. Yoka Jesus. Angaria shikia Yesu. Eh, hey, babeti. Ase, bagia bien. Bomi bomate. Mushiri uwe. Je vous assis. Migo ne mieleze na kikishi. Ce n'est pas le diable. Aina shetani. Ce n'est pas le fantôme. Aina mujimu. C'est moi. Mimi. Pierre, hein? Pierre, c'est hein? C'est toi? Ni weye. Oui, c'est moi. C'est toi? Ni weye. Oui, c'est moi. Dio, et si c'est toi? Sasa kama ni weye. Dis-moi aussi marche. Unyoneshe sema nitembee. Il a dit les œuvres que moi j'ai fait. Asema si vous croyez, kama mna mimi. Vous les ferez. Namo mtaifanya. Pierre atambola. Pierre ritembea. Pierre atambola. Pierre ritembea ka. Et si les choses ne marchent pas? Na kama mambo ayez la foi de Pierre. Mwe na imani ya Pietro. Ça marchera. Il t'attendait. Et les choses de Dieu, ça fait à son temps. Il ne dépasse pas mon temps. Attendez le temps de Dieu. Akatu wachunga wakati ya Mungu. Soyez toujours dans sa parole. Mwe mkopa na munene. Le temps de Dieu viendra. Na wakati le temps de Dieu vient. Na wakati les choses va changer. Mambo inabadilika. Et je peux dire ce soir, na il va arriver ton temps là. Il ne se kufika sana mambo ya kufika wakati. Et tu verras la main de Dieu. Amini neno utaona mkono wa Mungu. Muna na mike. Alléluia. Amen. Pierre attambole na mal. Pierre na tembe a mal. Attambole. Ayo na tembe. Mais Pierre. Ça c'est Pierre. Jésus attendait lui. Yesu na mongara c'est. Pierre est soit réussir opération. Pierre comment na wese opération hier. Akogi ko sa dega pa baninga. Anezo fa ma dega ku mbarafiki yake. Ondie to ko ma dega Jésus. Ase tuna ko ba Jésus ba wiri. Il faut na la ki sa quand même attambole. Ni moneshe kwa sa na différence. Mais la kini ku kuachanishwa. Loko ya yebi mai. Sa vie na yo mai. A régler moi mai muke. Ana régler ko mai kiloko. Mai bando kiti sa Pierre. Mai naanza kumshusha ko Pierre. Pierre moi raisonner. Pierre raisonner mai na ku. Asema o mai na. O se Pierre banani lokwa Pierre lero. Banani beko sa Pierre. Koyoka kasoni te. Hapana kushikia. Tamo makambezo Simba te. Kama mambo ibaba. Bele la Jesus. Wewe umleite Yesu. Aya aya. Yema makambezo Simba te. Kama mambo ibaba. Uzoke ndeko luka na kutimu. Une ndo tafuta kushikia kabisa. Au tapata. Makambezo Simba te. Mambo ibaba. Na hospital solution zate. Ku hospital zikale kale. Jibu ya Zalina ndio manja. Ile kalaka ni mneno ya Mungu. Mimi pastor apesa kasoti. Ata pastor mwenyashi letake jibu. Sheri ki done solution. Una letaka jibu. Ni Mungu. Pasera sunga kabiso ka talande ba. Anikale ni tuongoza njuti kufika na fuku kujibu. Eh Pierre eh. Pierre. Ah eh. Awa sana yoki soni na wao dae. Hapa ifasha paka mimi nashika tu enta. Barekeba wao barekeba toka kulikuria tu. Seigneur. Bwana. Vous ne voyez pas que j'aime. Au na sini kuna kufua. Sauve-moi. Unisaidie. Hallelujah. Amen. Non, Dieu n'a jamais menti. Mungu ayalanda. La main de l'Éternel. Mkono ya Mungu. Ne pas côté pour sauver. Aina mfupi jo. Pierre zala kikuna. Pierre. Jésus sait le bon quoi. Yesu anafanya kwa mkono. Mkono kwa mkono. Mkono na kwa mkono. Jésus azie. Yesu anamkopota na mpeleka na. Mungu ke zong. Hallelujah. Amen. Notre Dieu il est vivant. Mungu wetu kwa mzima. Même vous qui sont dans les étrangers. Ata mwe Mungu mbaya mbaya. De l'Éternel. Mkono ya uwezo iku ya ya milele kwa. Qui a pris Pierre. Wewe ni kwa Pierre. Atakupindangula na wewe. Pe azongisi. Anarudisha. Quand juste écrit. Wakati mwenye yake analala. L'Éternel attend. Wa milera nashikiaka. Quand Pierre a crié. Wakati Petro analika. Yesu alishikia. Arinyorosha mkono yake. Et la main droite de Dieu. C'est sa puissance. C'est sa puissance. C'est sa parole. Ni neno lake. La parole de Dieu. Neno la Mungu. A une pouvoir de transformation. Iko na uwezo ya kubadilisha. Il y avait calme. Na kulikuwa kimya. Il y avait calme. Kulikuwa kimya. Quel est cet homme-là? Ni ule muntu wa je ule. Il dit, je ne vous resterai pas comme des enfants. Mi si te miacha kama yatima. Je serai en vous. Mi takuya ndani yenu. Et au milieu de na katikati yenu. Et en vous. Na ndani yenu. Et ce soir, na imangali. Il a dit, là vous serez détruits maintenant. Je serai là. Mi takuya. Et Jésus est ici. Na Yesu. Et s'il est ici, na kame kwa. Soyez guéri au nom de Dieu. Mutunzwe mukina na Yesu. S'il est ici, soyez délivré au nom de Dieu. Mukombolewa mukina na Yesu Kristo. Il est ici. Eko hapa. Mon frère, ndugu yangu, à quoi ça gagne? Ashilandaki. À quel congo misesika? Anenda kutengeneza fazi. Akoya kuzabi. Atawa kutubeba. Eza ya sol. Ni bia kweli. Pointe sika ya zali. Kwa sababu sote zana kwa toa na sekiti. Pasi pale na sisi tukue msekiti. Pointe sika ya zala ka sekiti. Kwa sababu yeye pale kwa nika na sekiti. Exactly, ne Jésus. Sécurité à Pierre, il croit ni Dieu. Et la Bible dit, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui ne craignent l'éternel, l'ange te gardera. Il vous arrache au danger. Quand il y a un danger, il te déplace. C'est un Dieu qui a souci de nous. Amen. Mais il y avait un jour, tata na la maïwana, pas comme parler de maïpane. Yeah, abuti kote ya. Yeah, na isha ubi. Atei, anaubi. Alembi. Anacho. Anito katis. Asebo, tu. Alari mwa pongi mwke. Analala ako kakilo. Nako lalaka. Mungulala tu mu. Bademo basiriki. Bademo banashiriki. Baye disu babo mabaye. Banakuya sema bamuume, babuwe tena bamitumi. Babandi kolela. Banasakuria, Omo serubi, ah. Mungina nasema, ah. Tozo kufa metra za. Mukuna kufa buwana ye kwa. Buzukufa message za. Mwemu unakufa ujumbe kwa. Makambiosi batemela pala. Mambo ibambe meneno yuko hapo. Kuma tikisha ngo ino tre occasion. Usizo kuna tafuta basi kaje. Tishime occasion. Ni yala pala ni. Muamini tu neno la. Ti vera la message. Utaona mkono wa Mungu. Bola mwishaye. Tae Mungu la mushi. Lamuka. Lamuka. Kaza kufa. Sito unakufa. Obita bata mitema. Angara sa angara bato. Oko ndima ya muke. Mungu na kuamini kuno. Usikanga na zaibino. Asi paile vai mifashi. Ndai na zaibino kufa. Mimi mimi kwa Mungu. Mungu na security. Shimu ku security. Quand vous avez la parole, vous avez tout. Celui qui a la parole, il a la vie. Celui qui a la parole, il a la guérison. Celui qui a la parole, il est le Saint-Esprit. Celui qui a la parole, il a l'éternité. Mais la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. Atelama, atelama pepekabu. Anangaria pepo paka hizi. Pepo se. Sato linga uko sabisi. E shetani utaku tulanda shia. Nye. Ah, kimia. Yuka batu. E. Shikia banto se. E. Oyo moto ya mante. Ni muntu wa namu na kanimu. Meme ba mbonge zoto sa. Ata enye ma muimbi kuna muchika. Ba mbonge ba zoto sa jeze. Ma muimbi kuna muchika. Me yo zoto sa te. Me wea upenda muchika. Bademo ba zoto sa ye. Bademo ba zoto sa te. Yo zoto sa te. Wea yoku na katala kumuti. Est-ce que les kimbonge ya sasa wao wanapita tama wimbi ya ya basi nyama ya tshe bwana hii bade mwa bana funga dara batos bana ni yoto sakate sasa wewe au ichikake au ti yake hata kilo tosa ili ti tosa ti amina amen esika za solo frère ile mambo ni kalani ya kweli ya mo frère na makeli suna na medite ya la seconde venue ndugu brana anasema tena mjua kurudi kwa pili. Na paragraphe 21. Pa paragraphe 21. En ce temps, mwile wakati, et ce temps ici, na i wakati, si l'un des temps les plus horribles, kama kuku wakati mwaya mubaya sana, les incroyables bakuto basho kuamini et les pécheurs na batenda zambi et jamais vaincu bale ba abaya shindwa ngonga yako ya wakati ya atakuwa ndali ngonga moko ya som ni wakati moya matata sana oyo bato bandima kate bale ba emba basho na bato masumu na bato ya zambi batikala kwa mona bo batabakia ko zongo ma sekite hapana hapana ndima umwamini ko za musumu kite hapana kwa mtu mtenda zambi. Quand l'heure de la condamnation est imminente. Kwa sababu wakati ya hukumu inakuwa karibu. Et pour les croyants, est-ce qu'il y a des croyants ici? Moi je suis croyant. Et vous aussi? Pour les croyants, c'est le temps le plus glorieux. C'est pour ça que Jésus est là. Il y a pas la loi dans Romains. Les souffrances d'aujourd'hui ne peuvent pas comparer à la gloire à venir. Mes frères, mais pourquoi tu as abandonné la parole? Tu as comment la parole? Comment parole? Dimanche. On se contrôle vie le soyez prêts, mes frères. Soyez prêts, mes sœurs. Sa rédemption est proche. Il y a des groupes de gens sur la terre. Ce soir, les croyants et les incroyants. Ce que le Seigneur vient prendre et ce qui lui viendra à sa venue et ce qui lui vient condamner à sa venue. Il y bénira les uns et maudira les autres et à son apparition. Bon, yango sente sa zolo ba bonga jo room takatifu kuna bonga ma kujitayarisha nikusema iko nasema mambo mengi sondi mimi na Yesu kama au muamini Yesu bongola motema fungula moyo lela mashumu na yo uria mnzambi yako ezwali batisi na ngoma na Yesu napokea kubatiziwa mjina Yesu ukoza bolimisi ya mashumu utapata usamee wa mazao mnzamba kwa pesa likago ya mlimo na Mungu atakupatia kawaja hiyo takatifu ile salama be ile natanga mwana mzamba salaga mimi bato bazate le don de le di saint esprit ile enzi ya Mungu ndio toujours dans la parole ninje kuongoza paka maneno la Mungu yozana saint esprit dans la makambo yozo angara sa mambo kuna fanya ukoma mu Kristo na presence ya Mungu unakuwa mu Kristo tu ndio mumbani mena chance mekamba kwa na Kristo unauna mu Kristo. Amen. Amina. Bible je condamne division. Bible iko na hukumu ku kabulana. Mais boza toujours na division. Mais Mungu paka na kabulana. Comment frère paradoxe. Oh, je nduku paradoxe. Mais frère là bakenda biso tokenda te. Paradoxe ya baba le bantu ba rinda kashia tukwenda ki. Avant ba to bakende. Mbele bantu beende. Baza déjà division. Beko mbele benye ku kabulana hapa. La division le plus dangereux. Ku kabulana kwa kubaya. Bozana église moko muko mkanisa moya mais bozana vision moko lakini amuna na namna ya kuona pamoja bozana langage moko amuna na msemeo ya pamoja bato babimaka bali banatoka ezaka soki to langage moko ni kusema to vision moko msemeo moja moja tunabakia paka banatkwenda parce que la bible dit na mukanda ya mose est-ce que des hommes marchent la terre ensemble bantu banaweza kutembea pamoja bila kusikilizana. Ukomona groupe moko ya Bangala bazani hivi. Utaona kipande kimoja kia Bangala be mkanisa. Balinga ka Mungala lo. Boba nasemaka paka Mungala je kama nasema baluba. Bengine baba baluba lo. Boba netuwa bakaji. Mungalenga kubenisha kwa Mungu mwakubariki eh. Groupe ba Swahili na kati hivi. Groupe ya Kiswahili mkanisa na Mungu akubariki sana. Okay je te benisi. Groupe ba Kongo na kati hivi. Kongo na Boba. Wapi groupe ya Jésus? Lakini sasa groupe ya Jésus. Yozo zela Jésus na sima ya triba. Wewe una Mungu Yesu kunyuma ya kabiki ya kikabila. Bon, t'as la division le plus dangereux. Ça, ça, en Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Amen. Chaque jour, la division. Comment vous avez dit ça? Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza premier verset 10 10 Mufate mzuri ile andiko. Bato batala kamingi kaka Romains chapitre 16 verset 17. Faites attention ceux qui créent division. Ou bien la carte agite. Mais yoka la division le prix dangereux. Angaria sasa hiyo tukabana na chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Verset 10. Boyoka mushikie. Boyoka mushikie. Et tombola moi voix frère. Na ongeza kwa sauti. Je vous exhorte frère. Niko ne miuonya nduku. Sarne. C'est une exhortation de frère. Hii ni kuonya banduku. Mes frères. Banduku. Je vous exhorte. Na miuonya. Alléluia. Amen. Kitisa. Shuka. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Njina bwana wetu Yesu Kristo. La signé comme il y a Jésus. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. On ne change jamais. Ce n'est pas Paul. Mais il a signé le nom de Jésus. Prenez attention. Qui dit ça? Chucha. À tenir tous un même langage. Moi, bote, m'pate kuwa na msemeo moya. Est-ce que bino so bwa langage mo? Sasa moi, bote, m'negala na msemeo moya. Ce qui boit langage, moi, on a pasteur, te boit la division. Amuna na msemeo moya, pasteur, moko mo division, moko kabulan. Amen. Amen. Bon, yo moto a division ko kenena levement de yini. Sasa wewe utejibuji dirije tu kwenda kumbingu. Ozo kondane bato babima. Wewe uko na kuzungwa kwa langage moko sema me aulena na musa. Yamo baolo bato za langage moko po na nini? Yo kabiloko. Mufate bintu. Et à ne point avoir des divisions parmi vous. Chaque si nous ne sommes pas la même langage, nous aurons des divisions. Tu te crois na kukabulana. Et quand nous sommes unis de tenir même langage, na kama tuna il y aura pas de division. Et là, il y a des divisions parce qu'il y avait des langages. Même les kambango y habitaient. Mais soyez toujours dans même langage. Amen. Si vous osez la Yesu andi, vous avez déjà la division. Quittez ça, il y a quoi? Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais au lieu d'avoir beaucoup de langages, pour ne pas être divisé, nous devons parler la même langage pour être parfaitement unis avec le même sentiment. Mais sentiment, il y a un exemple qui n'a pas passé. Balobi, aimer mes sentiments. Mukuye na nia moya. Frère, le bas clair, frère. Nia moya. Pas problème, pam. Alléluia. Amen. Bas sentiments, zana yango. Mania ilo. Oza zela yes. Yango za ke pas passé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, na pasteur? Amen. Onon. Ce qui s'est passé à l'Obiri, comme il faut qu'on position. Comment tu t'opposes à l'Obiri? Toi, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, les raisonnettes, ce sont des mamans catholiques. Les mamans qui ne croient pas à la parole, mais qui raisonnent à la parole. Oh, la Bible dit, mon Jésus vivra par la foi. Amen. Amen. Titis, Sousa. Car. Sabab. Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ah! Bande koya Chloé! Baye misaki Paul! Ma frère, wana ya korek! Mande bazote! Mande bazoye! Mande bazana bando! Ata file beko na mazawadi! Ba frère, na bazana langage mon kote! Ale ba frère, abana na mavumusebio! Baza deja divise marde ba eglise! Bazana sentiment mon côté, bana penser mon côté. Bokuna, kujukule. Bakoma bato ya groupe groupe. Bana kuna groupe. Sasa shikia sasa mambo. Kiti sabino. Shusha bintu. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Kephas. Et moi de Christ. Paul n'est pas Christ. Paul aina Christo. Moi je ne suis pas Christ. Mie mishi na Ngoinda n'est pas Christ. Ngoinda yana Christo. Quel prophète est Christ? Akuna tana Frère Frank n'est pas Christ. Duku Frank ana Christ. Christ restera toujours Christ. Christo atabakia paka Christo. Toi tu es derrière qui? Sasa wewe kunyuma ya nani? Oh, d'ailleurs notre critique Paul dit, soyez mes imitateurs, parce qu'il imite Christ. Quand vous imitez Paul, imitez ce qu'il imite Christ. Parce que Paul s'était aimé. Parce que l'Ilobayanjambe est comme maman à Saint-Esprit. Dieu a même la mouille. Il y a tant de bazo, tant d'écritures. La Bible dit tout écrit est inspiré de Dieu. Et qui l'a enseigné. Mais il y a comme un peu d'écrit. Mais ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Omoni unon Yoli yoke nelola na division unapenda kwenda kumbingu na kukabulana Ba mosuba zagi na Simapol Ba ni se facilité Ba mosuko ta se facilité Ba zodi nga nani kende Ba zagi na group group par kwa mungu Siko na ba ba zagi kote ya Kristo Sasa na balo biarkwa ngambo ya Kristo Yoza kote ni Sasa wewe ukangamba Ki est côté de Christ Nanye ngambo ya Kristo Ki est dans la parole Ni ule ko ndani ya neno Quand tu es dans la parole Kama ko ndani ya neno Ki est dans le droit chemin Huko mnyunjia kunyoloka La division, ce n'est pas la parole. Christ est-il divisé? Est-ce que Christ a été divisé? Amina. Kitisha yo kabilo. Chusha yo kabilo. Esili na note. Ayaisha. Oke nelola na division. Unenda kumbingu na makukabulani. Paul, a-t-il été crucifié pour vous? Eti bari musulubisha njuyeni. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Aoba ni baptisa mungina ya Paulo. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Alléluia. Je peux ajouter une autre critique. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 3. Si on a dépiécé aussi. En effet. Frère, qu'est-ce qu'on a divisé, frère? Mais on a divisé. Pourquoi on a divisé? Et c'est la maladie dans les églises. Pourquoi qu'il y a une église? Bandimi église. Bazan a formé un pasteur. Bandimi église. Bandimi a formé un pasteur. Pasteur a colombaboué. Pasteur a colombaboué. Qui est maudit? Où comme une gulaini wa? Ozo salani. Où la fani? Kenda. Wende. Amen. Tu es là pour nous déranger. Quand je ne te suis pas, il y a combien de bâtons? Ne prémène. Avant de quoi vous savez? Bolanda, tu es sorcier. Et tu es maudit, frère. Tu dois se repentir. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Yo sente sio azolo ba. Wewe Roho Mtakatifu unasema. Mimi nikamango yebite. Hata mambo hiyo. Sina padre de détruire cela. Aona na ruhusa ya kuiharibu. Amen. Amen. Kiti sabino shusha bintu. En effet. Kwa kweli. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Il y a la jalousie. Peko bwivu. Bozo inana. Mungu na. Bato ya lola. Bantu ya kumbingu. Mungu na chukia. Kila nonas. Satai fasa mwalelo. Shetani leo anapasha kupata yake. Jalousie. Jalousie. Motoke nena lola. Muntu aende kumbingu. Luwe luwe luwe. Luwe luwe. Ozo luwe na jalousie. Luwe na jalousie. Na wibuivu. Qui était jaloux le premier? Ni nani alikuwa. Mais c'est Caïen. Chini Caïen. La jalousie. Mais il est wibuivu. Il y a des hommes qui sont même jaloux de leur femme. Les femmes jaloux de son mari. Les parents jaloux des enfants. L'église est jaloux de leur pasteur. N'a coupé sa dignité pour Azalabou. Alléluia. La jalousie. Est-ce que tu es prêt? Où est-ce que tu es? Donc, aligné, mon tombeau, soit la tabiette. Ah, si pende, mon tombeau, soit la tabiette. La tibiette. Azor, les canaillés. Anapisha, le canaillé. C'est le huitième à la tabiette. Yoka, mon tombeau, jalousie. Angara, mon tombeau, jalousie. Nina, la tiwan. Ana, voilà, ni. Milamana, goûte, ça, moi, cher. Il y a un peu de canaillé. Il y a un peu de canaillé. Soki na lobi ke sera na boti bebe ya bien. Banasema mdada na sala mbebe na za bien. Asema baba yoka ye. Shikia ye. Bebe na za bien me mwa matama. Ah seme kwa utubie me. Yoka moto bata na bana bien. Wewe ndio na sala kama toto. Na linga ka sera na bo kingo na za bien. Mimi na pendeka ndio za bien. Kingo na za bien me koteza na boss. Kingo ya bien ka ya bimba. Sasa kwa gani jingo njoo ya bien. Il va la naza qui bien, tes frères. Il va la naza qui bien, mais c'est la jalousie. Il est guivou. Bime! Toka! Bime! Toka! Jésus, Oya! Yes, Alléluia! Amina! Frère, Abala, moi, qui toque. Frère, Rio, Abibi, Mzuri. Yes, mon abbasidi. Oui, Oso, qu'on a banamouke, oui. Aza qui toque, Mzuri, Mlakini. Menin. Lakini, Nin. Aza qui toque, c'est Mzuri. Frère, non, la tibie. Ah, nous, on a fait un Et la mana. Il y a cher, donc il y a bien une paille et ça monte à la tibia. Il y a foi catholique. C'est comme un prêtre catholique. Il ne porte pas de costume. Ils sont toujours avec des tricots. Et vous croyez que c'est l'humilité? L'humilité, c'est obéir à la parole de Dieu. Portez les bons vêtements, ce n'est pas l'orgueil. Je ne résiste pas ceux qui s'habillent bien. Je ne résiste pas ceux qui n'obéissent pas. C'est celui qui n'obéit pas la parole. Alléluia. Amina. Es-tu prêt? Jalousie. Bouive. Asa jaloux. Écoute na bouive. Et division y a na jalousie. Na ma na buivu. Tanga bandiko benda bato. Ye ba komi pasteur. Na ya na kwa pasteur. Ba koma ka pasteur. Aba kuyake pasteur. Me ba botama. Ba nazarika ka pasteur. Me wo ya kokomo. Lakini la takuka ka peka na mabi. Inaisha ka mbaya. Tu ne peux pas recevoir quelque chose ici sur la terre sans d'abord préparer par Dieu. Et ce que Dieu a préparé, personne ne peut pas nier. Et soumettre toujours à la volonté de Dieu. Dit Amen. Qui dit ça, Vivoko? Banabali Abatou. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, il y a des jalousies, il y a des disputes. Les gens qui vont au ciel ne peuvent pas être jaloux, ne peuvent pas être en dispute. Frère, les hommes ont des frères. Vous êtes ici des frères. Démissionnez-toi. Démissionnez-toi. Qui a choisi un mauvais partenaire? Personne ne va pas nous parler. L'état Oyoki message. On a chacun dit. Oyoki à moi. On a chacun bien. Dis bien. Est-ce que ça goûte? Est-ce que vous bon appétit. Bon appétit. Pesa. Pesa bintou. N'êtes-vous pas charnel? Est-ce que tant de jalousie n'a pas dispute tes alliés? Vous n'êtes pas spirituel? C'est ce que dit la Bible. Bible. Vous n'êtes pas charnel? Mukubakimuili. Et celui qui est charnel peut aller au ciel? Est-ce wakimuili attend à combien? Mais pourquoi tu es charnel? Ça s'entend nous wakimuili. Le ciel c'est pour les gens spirituels. Et après de vos jalousies, après de vos divisions là, des tribus, des tribalismes, ce sont des choses charnelles. Je bintu biakimuili. Des critiques, des mépris, des déplacements de langage, la jalousie, les disputes, ce sont des choses charnelles. Charnelles. la chair Mwili. Et le sang Nadam. Ne peut pas recevoir Aïwezi kupokea. N'hériteront pas n'hériteront pas le riti ufalme. Le royaume d'ici ufalme wa mbingu chair huku wa kimwili et Na. Quand quelqu'un est dans la division comme on te quoi qui mukabulana yeko ni wa kimwili shusha. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Marchez comme Jésus. Alléluia, marchez comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus dans toute ma vie. Marchez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Alléluia, parlez comme Jésus. Christ, je vais parler comme Jésus. Dans toute ma vie. Parlez comme Jésus. Priez comme Jésus. Alléluia, prions comme Jésus. Christ, je vais prier comme Jésus. Dans toute ma vie. Priez comme Jésus. Habillez comme Jésus. Alléluia. Amina. Alléluia. Habillez comme Jésus. Christ. Je vais habiller comme Jésus. Dans toute ma vie. Habillez comme Jésus. Amen. Amina. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous êtes charnés? Dieu a nié mon combat. C'est pour cela que Paul a dit aux Éphésiens. Amen. Amina. Les lois n'ont pas minité. Non, sur la langue. Les lois n'ont pas minité. Ok, les lois aussi c'est le bon. Question de toute malice. Soyez prêts. Mou est ayari. Il y a déjà qui prêche qui n'est pas encore né de nouveau. Comment vous trouvez on a oublié? Ah ben, c'est vrai que t'as mal à pire. Amen. Croyez en Jésus. Amen. Répands-toi. Soyez baptisé. Amen. Et Dieu va t'utiliser. Amen. Il y a les gens qui chantent. Il n'est pas né de nouveau. Si vous manquez la nouvelle naissance, tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Amen. Avant de servir Dieu, d'abord, tu dois être régénéré. Amen. Pourquoi tu es dans la division? Il fallait la nabato bakendaki. Il fallait une fois la barrière. Mais tu as l'engagement. Mais attends, mon côté. Tu as toujours opposé le col et il dépasse. Tu as besoin d'il dépasse une église. Si tu en as besoin, il dépasse. Il dépasse à la menacati à politique. Mais dans l'église, c'est l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, la même pensée, le même sentiment. Dit Amen. Moussema Amina. Éphésiens 4. Ah, Éphésiens 4. Maintenant, le premier verset, jusqu'à le troisième verset. Premier jusqu'au troisième verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Avec quoi? Avec amour. Avec amour. Quand on dit supporter, c'est que cet homme peut faire mal. Amen. Quand une femme ne supporte pas son mari, il y aura la divorce. Oh, Dieu n'aime pas la divorce. Amen. Pour que vous ne pouvez pas se divorcer, il faut se supporter. Amen. Et dans l'église, Amen. Les brebis doivent supporter les anciens. Amen. Et les anciens Amen. Doivent supporter les brebis. Amen. Combien de crimes que vous faites, ça, si le passé pouvait vous chasser, on ne peut pas être unis tous ici. Mais pour être passé, il faut garder le mal que les gens font. Mais ils nous supportent. C'est pour ça que nous vivons avec des tensions et des carrières. Tellement vous supportez les choses qui sont mal. Ils n'aiment pas le mal, mais pour être berger, il faut supporter. Et quand lui te supporte, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et quand tu ne supportes pas, tu sors. Quand tu ne supportes pas, tu commences à critiquer. Non. Amen. Amen. Bon, moi, Jésus, le colazoya. Munana Yesu, il vient qu'on a couya. Si quand on zo lukaba, prédicate baza ouais de l'esprit. Ça, ça tout tafuta ba. Bamema église na repentance. Bamema église na crainte de Dieu. Bamema église na sanctification. Bamema église na atmosphère spirituelle. Écoutez le message. Soyez prêts, mon frère. Il y a des gens qui croient qu'il est prêt, mais il n'est pas prêt. Quand tu es dans la jalousie, tu es dans les disputes, tu es dans la tribalisme, c'est fini. L'occasion est la sortie. L'occasion est là. Mon frère, n'allons pas chef ou non. Pas jamais. Mais Pierre a déjà dit. Je peux te laisser, Mac. Serviteur, obéissez à vos maîtres. Même il a dans des conditions difficiles. Quand tu es chrétien, ouais, tu peux le gagner. Ouais, on a pas ça comme une. Amen. Amen. Il y a des conditions difficiles qui viennent. Avec le maître de ce monde. Mais nous attendons la consolation. Quand Jésus viendra, il va nous enlever ici et nous laisserons ce monde. Et le monde sera nettoyé. Et après, nous descendrons pour régner l'éternité. Alléluia. Ne ratez pas cette occasion. Sinon, tu dois pleurer. Jésus revient bientôt. Si tu n'es pas encore baptisé, soyez baptisé, ma soeur. Pourquoi une jeune fille comme toi, qui a déjà 12 ans, tu n'y crois pas aussi? Tu ne veux pas croire. Tu n'as jamais menti. La Bible n'a pas dit. Bible celui qui couche une femme de Dieu, il est commandité. Et celui qui la convoite, combien de garçons qui te convoitent? Donnez ta vie en Jésus. Et tu écoutes la parole, tu dis que tu es un enfant. Ce n'est pas toi qui triches à l'école. Dans tes cuisses, il n'y a pas de tricherie. Un tricheur sera au ciel. Réponds-toi. Croyons Jésus. Soyez prêts. Jésus revient bientôt. Le diable a changé le système. Shetani, il n'est pas maintenant dans la dénomination. Il n'est pas dans la catholique. Catholique. Le diable, il est dans le message. Shetani, soyez prudents. Mouez-vous. Il est même dans des prédicateurs qui nous amènent dans la mondanité. Ah. Nous voulons l'évangile qui nous amène à la sanctification. Ah. Parce que la Bible dit, cherchez la paix à tous et la sanctification. Sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Soyez sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Qui dit ça? Soucha. Amina. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous efforçant. Vous efforçant. Il faut que tu forces. Parce que le royaume des cieux, c'est vous les violents. L'unité de l'esprit, il faut te forcer. Vous pensez comment se forcer? Oui, il faut te forcer. On a tant qu'à pour ceux qui n'étaient pas prêts, tu n'es pas prêt. Amen. Amen. Amen. Qui dit ça? Chucha. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En s'efforçant d'adapter les liens des troubles. C'est pour ça la Bible qui cherchait la paix à tous. Tu n'as pas la paix avec ta femme. Tu n'as pas la paix avec les enfants. Vous n'avez pas la paix avec les enfants. Est-ce que tu as une sacrée? Tu n'as pas la paix. Vous n'avez pas la paix avec les anciens. Soyez la paix à tous. Même aux païens. À l'école, la paix soit là. Salama ikuye. Amina. Amen. Kiti sabino. Il y a un seul corps et un seul esprit. Hein? Il y a nous efforçons à l'unité de. L'unité de l'esprit. Amen. Avertissement. Léo Nautanga trois déclarations. Léo nimtasema ma déclaration tatu. Oya ndimi Yesu. Ulano mwamini Yesu. Ya. Akuya. Zwa baptême. Pourquoi lobi? Kesho. Batu bazaki 16. Bantu batu. Batu baptisé ka 13. Lakini tu batisé. Bino batu botika la kilo. Mwe bale murubaki. Mwe kiko tante nzambe. Murwa ku mtante Mungu. Wewe tante nzambe. Murwa ku mtante Mungu. Na chamala le. Muchamala le. Sere mwaka andimaka na dina nga tabernak. Dada mwari ya miyawa kutitabernak. Metanga ye awa na Lumbumbashi. Wakati alikuwa kukulubumbashi. Ila abandone la parole. Anacha nilo la mwari. Asa imeme 15 ans. Anafanta 15 ans. Asambe la kalisu. Yashi umbake tenu. Akenana na ba grupe haba chekere cheke. Anenda kuma grupe de prier prier. Iba ba shabarashike bebebebe. Hariki koko koko koko. Haraba kata kata kata. Ndebi loko yoli ngaka. Jobi le bintu weo napendaka. Yobi shabara. Mwona ya nye sabara. Dimashi toko la jisao shabara zana. Kutakonesa nye dimashi sabara sabara ni nini. Njamba frape malati. Mungu anampika bagonjwa. Siku aluki munganga mwabika ezati. Anatafuta munganga namna kupona alina. Nino, frere wana suwa bondele uko bika. Ase ule ndugu kama na kuombe. Kwa yao atepo bika na njoto. Atukui hapa juu kukone mwili. Upate kupona mwili. Kwa maladi mwake kukio sila. Kwa sababu maladi mwosuse kwa ya. Inaisha meingia na kui. Ubiki. Lakini kama unaokolewa. Kunaisha milele. Sero anatanga yoki mate yao. Ule dada pala nasikia ili maugiri. Abamba ni kalo kola fremo kabamba na jana. Analuka paka saivi ndu. Lelakai, lelakai, lelakai. Anaria, anaria. Tosisi nini? Inase nini? Aubi lelo. Ase leo. Ezashi unanga. Yo shuku yao. Na yaki obonde apona. Miri kwenye njoo kunyombea. Meleleza kwa bonde la. Lakini leo nifona zonge la batete. Leo inafai nirujia kubatizo. Nini? Nazalaka sere. Mimi likuwa kadada. Menakoma retrograde. Lakini misha urijia nyuma. Memate yao. Lakini maubiri. Na zongi. Mina rudia. Bajie. Banambebo. Bake kubatize. Banenda kumbatize. Ipana frere. Kwa frere Adol. Pastor Adol. Pastor Adol. Nasima batem. Kisha batu. Abimikuna. Anatoka kuna. Maladeke. Malari sa kuenda. Babatiza kenjura jedi. Barumbatiza ka jedi. Vendredi aye. Vendredi anakuna. Yoka esengu neglisa. Angaria furam kanisa. Ba yeminje bana imba mwimbo sera lue dada na fusu sera ta kolela dada ko paka nari tozati kilte special samedi ngwa na kilte special samedi malenga ki bato ya baba malade ba problem dari itaka ba mambo ba sera zo lue azole haleluya amen dimanche dimanche nenye moko namna moyo sera komi normal dada na rudia normal leni na tongo lendi asubuhi fievre bandi fievre nance na popa ku mangaribi anakufa talanjambe ya angaria Mungu asepelaga na kufa moto mabibi yesi sikia yake mfuria moto mabango mbaya anapendaka mtu mbaya fresh ndi makama be ndugu kama uliamini mbaya raisoni vufikili est ce que tango ndi maka wakati uliamini ya vele free de l'esprit kulikuwa kama tendo ya matunda ero est ce que yo bikaka we yo ukolewaka poso ki bikaka kama ukolewaka tala makambo sana angaria mambo kuna unafanya Talama kambozo sala. Angaria ile mambo kwa sababu. Yobika kinume sila kati. Wewe uriokolewa lakini bundumbu baba. Yo katolia Frebran. Angaria ni parapanda. Tokeni angaria meme sitoli. Hapa unaweza kutana na mala mala sit. Amen. Amen. Na Paul prisonnier de Christ paragraphe 40. Chamo amba. Kitisa, boyo kabino moko. Leo bashike bashike bobenyo. Pour ce qui est de la déception qui aura le jour du jugement. Kuangalia ile haya itakuwa siku ya hukumu. Les pêcheurs tels que trafiquants d'alcool, batendazambi sabale bakushisha mampombe, joueurs bali bakucheza cheza, et adultères na batendazambi ba frère total match za péché te membrana le vi, ba joueurs ba kota na lola tu. Mais yo vani jure mon bon, otaka ka ba joueurs, na ngara ba joueurs. Boza séduite. Mais chimu ko benyo kutongozeo. Et adultères ne seront pas étonnés. Dans ne seront pas étonnés d'entendre la sentence qui les enverra dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Ils ne seront pas surpris, contrairement à celui qui essaye de se cacher derrière une confession religieuse. Amen. Éden de Satan. Paragraphe 16. Mais maintenant, la ruse du diable est maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont. Catholique, mais yoka na passé na bango. Sasa chifikia pastori wapo. Au bien njamba saba ere, aliya kumjenga. Aya anapita mkuu na bango. Nikisema pastori. Yale kinjambi. Yeye anampita Mungu. Osiko batika kabisa soto tanga mukabia Biblia bambula na bambula. Sasa yeye yote. Bane tuache kusoma Biblia miaka na miaka sema mkanda ya kala. Hii ni mamkanda ya nyari kitabu cha zamani. Tano mayele mabaya tipa. Angalia mawazo mbaya ya ule mtu. Obiso ba avertir a kibiso kakoya da makambo. Fetwa na ngonga moko très dangereux. Chie tu mwakati mo mbaya. La muka. Mais l'air mosusu yomo tozo sa retare na batem. Sasa wewe toa ki sera le derrière. Ni wewe ndo utakubatia. Tonze la yondima. Tuna chunga wewe amini. Mama kei. Papa kei. Ba grand frère ba kei. Yondo kotika na ndaka. Wewe utabakia na nyumba. Eh! Eh! Ukosana ndako akwendi utabakia na nyumba. Baba risi bakobombardema. Baba risi bengi bate ibu mmona utabakia na nyumba kani. Zedo bibo koyoka. Chunga kesho mtashiki. Koti galate. Usibakie. Ukile kobeba. Dunia itaribika. Risha kobek. Risha kobek. China kobek. Amerika kobek. Amerika kobek. Dunia kobek. Dunia kobek. Korea kobek. Korea tapik. Meme bakongole meme bakobek. Ata bakongole batapik. Il a nous moi comme maman. Il a nous. Et vous tindez à wana. Il te tient à mi huko. Na Pauline na bino. Il m'a mis sukulu yenu. L'iranumi le plus puissant du monde. Et j'ai la gandawa. Na mboka na bino kambo. Pako mkamka. Moko zika na iranumi na bino. Eh mumu tabudi stomewa paka na moina na iranumi. Moko zo bomba iranumi. Mushumu na tumeni. Bazo sala bino ba bomba. Sema mbwene mfanye sema mbwene mfanye. Moyo kitama mbwene muza salaki. Muna kumbuka wakati. Asali izine hawa. Alifanyaka izine hawa. Nalikasi. Namulikasi. Alikaja sisa barwa. Alipendaka sema irisi. Ba iranumi wana. Ile iranumi. Nye yambia sisa ki Japon. Sinjo irimani saka Japon. Babelje bazoka ya. Babelje Soyoki kama unashikia kokanga motema hapana kukunga Yesu kuna kwa sasa hivi avant pression économique ban. Avant que pression économique yanze. Boko sentiria. Mude isiki ya mubi. Boko prive to sande date. Bate mikataria. Boko pesa bisha Bible na ba. Bate mikataria Bible. Tumbo bisha toko boya. Wakati si. Nema kambe kongi. Topa le mambo tanza. Boko panza na moto na place. Tazambala la kila mtu pale. Me boko bota la bisha Bible. Lakini bate mikataria Bible. Lakini Bible. Jamba sha komi na moto. Mungu alisa kutuyanjika mtu. Boko medite ya moko me pisha de premier. Vifikiri sawa. Ere ba me kine marche pa. Selon le conseil de mes chats. Qui s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a médité nuit et jour. Il est comme un arbre planté au courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Mais il n'est pas comme les méchants. Alléluia. Et ce qu'il fait, il réussit. Et le courant d'eau, c'est la parole. Amina. Amina. Amina. Amina. Tout côté là. Tout à chemin. Tout bon, bah, pour être bon, qu'on est là. Tout chemin, qu'on joue, wakati, mwende, kosa, yambele. Tout côté là. Tout à chemin. N'arrêtez pas le départ sous des secrets. Mouima, oubili, le départ sous des secrets. Les gens vivent aujourd'hui comme si juste avant la venue du Seigneur. Il allait envoyer un cortège d'anges et tous les journaux que pendant environ une année on annoncerait cela dans les journaux à travers le monde en tient disant à telle date Jésus viendra et cela serait divisé dans la radio et les télévisions et partout et on indiquera les jours précis et l'heure exacte où viendra maintenant. C'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Donc bato ba okanisa lelo ndege bato akabalinga bazo zelankolo tanga koya bako melabango akoya shuru boye na ere bwe na dati bwe balo bango na ba television ba radio. Mais la venue du Seigneur ce sera secret. Allah, voix de archange, au son de la trompette, les morts en Christ sera ressuscité et nous les vivants nous serons chargés et à l'inclin de nous tous nous allons ici et tant que token Satan le mouin à 3e dimension a quitté pas pape. Abandi qu'on prophétisait Satan a quitté notre. Alléluia. Tala keba. Le long dit Léo. Sala repentance. Tu bongi sa dino. Comment zo yé meranzango zo baptême. Comment zo sa elanzami na vie abatizi. Comment y'a qu'on zo pèse abadi mon frère. On dit mal au pied. Et même ce soir. Frère Jésus peut venir même après un mois. Mais la mort peut venir aujourd'hui. Et quand vous mourrez sans Christ, tu ne seras pas prêt d'être ressuscité. Qui sera ressuscité? C'est ceux qui étaient prêts. C'est ceux qui ont l'habillement de notre. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui étaient morts par l'Esprit du Seigneur. Mais l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Chacun de nous, avant de prier, inclinons un peu la tête, réfléchis. Ce qui nous collaille, es-tu prêt? Et si vous n'êtes pas prêt, voici l'occasion. Qui peut donner sa vie ce soir? Si tu es là, mon frère, ma soeur, approchez rapidement et soyez baptisés au nom de Jésus avant de prier. Soyez prêts, mon frère. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Si tu écoutes la parole de Dieu, soyez prêts. Soyez baptisés au nom de Jésus. Baninga bazwa kiri baptisino. Barafika ijana baptisino. Yaka. Kuya. Qui est touché? Avant de prier, avant de prier. Je vois un frère que Dieu te bénisse. Qui encore? Venez rapidement. Venez, vous qui sont touchés, sortez là-bas. Les hommes comme des femmes. Je vois un frère que Dieu te bénisse. Qui encore? Approchez rapidement. Sortez là-bas. Vous êtes la postérité d'Abraham. Soyez là, mon frère, soyez là. Qui encore? Je vois une sœur qui vient là-bas. Venez! Laissez la terre passer. Mais la parole du Seigneur, l'éternel, akoya lokola moïbe. Qui encore? Soyez là-bas, ma sœur. Qui encore? Approchez rapidement. Jésus revient. Mon frère, ma soeur. Yagé. Mukuye. Soyez prêts, mon frère. Jésus est mon boubou. Yes, il a donné sa vie pour toi. Arrête mais croyez, soyez baptisé. Et tes péchés seront pardonnés. Dans la ma camboyo, au bossana. Mais il n'y a pas de bossana. Mais il n'y a pas de bossana. Il n'y a pas de Jésus Christ. Soyez baptisé. Masumu na ikolimu sana. Iyaka. Kuya. Iyaka. Kuya. Kuya wakati nenea. Motonya saka ngamiso ya ndimi. Kila mmoja afunge macho. Ula na mimi afunge. Ula na mimi afunge. Hapana kushikia ya nduku. Tango njamba zo benga yo. Mungu kona kuita. Motema na yezo bet. Wakati Mungu kona kuita. Roi kona kuita. Shetani na kuita. Sata zo deranje. Eko na kuderanje. Jela lobi. Chunga choke. Boso kufiro kola sere wa. Oh, wapusha kufiro. Iyake. Kuya. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Amen. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit. Quand nous prions, toi qui es touché, approchez, soyez baptisés au nom de Jésus. Baptisez au nom de Jésus. Même vous êtes battus de sang. Approchez, mon frère. Caribbean, chacun de nous doit prier. Chacun de nous doit regretter sa vie. Chacun de nous doit chercher la miséricorde. Il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui sort. Il est aussi le guérisseur. Si tu es touché, avancez. Prions.